Rada par Maxime Gorki. Un vent humide et froid soufflait de la mer, apportant dans la steppe la mélodie rêveuse des vagues, clapotant le long du rivage et frôlant les buissons voisins. Parfois, un coup de vent éparpillait les feuilles jaunes et ridées, transies de froid, et les jetait dans le brasier. La flamme, s'élevant plus vive, éclairait les ténèbres de la nuit d'automne qui nous entourait. Je voyais plus nettement, à gauche, la steppe illimitée, à droite, la mer sans fin, et droit devant moi, la figure sauvage de Makar Choudhra, le vieux bohémien, gardant le troupeau de chevaux de son tabor qui s'élevait à 50 pas de nous. Le vent hurlait pitoyablement, les chevaux hennissaient dans les ténèbres, et une chanson douce et passionnée s'élevait du tabor. C'était la belle Nonka, la fille du Makar, qui chantait. Je connaissais sa profonde voix de poitrine, qui résonnait toujours d'une manière singulière, soit qu'elle vous dit bonjour, soit qu'elle vous chantât quelque chose. Sa figure brune et mate ne perdait jamais son expression de fierté royale, et dans ses yeux bruns foncés, on lisait la conscience de son prestige, du charme de sa beauté, de son mépris pour les autres. Makar me tendit la pipe. « Fume, mon faucon, hein ? Chante-t-elle bien la fille. Voudrais-tu qu'une fille pareille s'éprise de toi ? Non ? C'est bien, tu as raison. Ne crois pas aux filles, tiens-toi loin d'elles. Une fille aime les baisers comme j'aime ma pipe. Même si tu l'embrasses, toi, la volonté mourra dans ton cœur. Elle t'ensorcellera par un filtre que tu ne vois pas et dont tu ne pourras pas te débarrasser. Toute ton âme passera en elle. Prends garde aux filles. Elles mentent toujours, les vipères. Elles te diront « Je t'aime plus que tout au monde. » Mais si tu essaies une fois de les piquer avec une épingle, elles te déchireront le cœur. Je connais bien tout cela. Veux-tu, mon faucon, que je te raconte une histoire véritable ? Promets-moi de la garder toujours dans tes souvenirs, et toute ta vie, tu resteras un oiseau libre. Toute la Hongrie, tout le pays des Tchèques, toute la Slavonie et tout ce qui est autour de la mer connaissaient Loïko Sobar, le jeune bohémien plein de courage. Il n'y avait pas un village où quelques habitants n'eussent juré de le tuer, mais il vivait toujours, et si quelque cheval lui plaisait, tu aurais pu mettre un régiment de soldats pour garder l'animal. Sobar l'aurait enlevé tout de même. Si le diable et sa suite lui avaient rendu visite, notre bohémien lui eût cassé la figure et administré à toute la bande une fière correction. Tous les tabors le connaissaient ou avaient entendu parler de lui. Il n'aimait que les chevaux, mais il ne les gardait pas longtemps. Il les montait quelques jours pour les revendre ensuite. L'argent, il le dépensait follement. Il ne gardait rien pour lui-même. Si tu avais eu besoin de son cœur, il aurait arraché de sa poitrine pour te le donner, tant sa bonté était sans borne. Or, notre tabor campait à Bukovine, il y a 10 ans de cela. Par une nuit de printemps, nous étions assis, le soldat Danila qui guerroyait avec Kossuth, le vieux Nour et tous les autres, Rada, la fille de Danila et moi. Tu connais Manonka, n'est-ce pas ? C'est une fille reine. Mais on ne peut pas la comparer à Rada. Ce serait trop d'honneur pour Nonka. Les mots seraient insuffisants pour te faire une description de Rada. Peut-être les sons purs d'un violon pourraient-ils donner une idée de sa beauté. Encore faudrait-il que le joueur connût le violon comme son âme. Elle a brisé beaucoup de cœurs de braves, cette fille. Une fois, en Moravie, un vieux mania, l'ayant aperçue, demeura stupéfait. Il était à cheval. Il la regarde et se met à trembler de tout son corps. Il était beau comme le diable un jour de fête, son habit tout cousu d'or, son sabre au côté, orné de pierreries, étincelait comme un éclair. Son cheval frappait le sol de ses sabots. Le mania portait un chapeau de velours bleu. On eût dit un morceau de ciel sur sa tête. Il regarda longtemps Rada et lui dit à la fin « Viens ici. Embrasse-moi et je te donnerai une bourse pleine d'or. » L'autre, méprisante, se détourna sans répondre. Le vieux mania perdit tout courage. « Pardonne-moi si je t'ai offensé. Sois plus aimable pour moi. » Il jeta sa bourse aux pieds de la jeune fille. C'était une bourse cossue. D'un coup de pied, elle la lança de la boue et partit. « Quelle fille ! » rugit le mania. Il piqua son cheval des éperons et la poussière s'éleva comme un nuage. Le jour suivant, notre mania revint. Qui est son père ? Fit-il crier dans tout le Tabor. Danila se présenta. « Vends-moi ta fille, demande tout ce que tu veux. » Danila lui répondit. « Il n'y a que les nobles pour vendre tous leurs biens, depuis leur port jusqu'à leur conscience. Moi, j'ai garroyé avec Kossuth et je ne vends rien. » Le vieux rougit de colère et tira son sabre, mais l'un des nôtres, ayant glissé un brin d'amadou enflammé dans l'oreille du cheval, l'animal emporta son maître au galop. Nous avions levé notre campement et nous étions partis. Mais après 2 journées de marche, nous nous aperçûmes, à la fin, qu'il nous avait rejoints. « Arrêtez-vous ! » nous cria-t-il. « Devant Dieu et les hommes, je vous jure que ma conscience est pure. Donnez-moi cette fille comme épouse. Je partagerai tout ce que je possède avec vous. Je suis immensément riche. » Il était tout en sueur et se balançait sur sa selle comme une gerbe au vent. « Eh bien, ma fille, réponds, » dit Danila. « Si l'aigle femelle entre par sa propre volonté dans le nid du corbeau, qu'en adviendra-t-il ? » nous demanda Rada. Danila se mit à rire, et nous aussi. « C'est bien, ma fille. As-tu entendu, Mania ? L'affaire ne marche pas. Cherche des colombes. Elles sont plus condescendantes. » Nous continuâmes notre route. Le Mania, désespéré, jeta sa casquette à terre. Il partit à toute bride. Le sol tremblait sous le galop de son cheval. « Oui, mon faucon, c'est ainsi qu'elle était, la belle Rada. » « Eh bien, une fois, nous étions tous assis, quand le son d'une musique très harmonieuse parvint à nos oreilles. Le sang s'enflammait dans les veines en l'écoutant. Cette musique nous fascinait. Nous nous sentions élevés au-dessus de tout, comme dans un rêve enchanté. Elle s'approchait toujours plus. Subitement, dans l'obscurité, nous distinguions un cheval que montait le joueur. Arrivé près du brasier, il s'arrête, cesse de jouer et nous regarde en souriant. « C'est toi, Sobar ?» lui crie Danila tout joyeux. « C'était lui, Loïko Sobar. » Ses moustaches reposaient sur ses épaules et se mêlaient aux boucles de ses cheveux d'acier bruni. Ses yeux brillaient comme des étoiles lumineuses et son sourire, ma foi, valait un rayon de soleil. Il paraissait avoir été forgé d'une seule pièce de fer avec son cheval. Il resta quelques minutes près du feu et il riait tout en nous regardant de ses yeux limpides et profonds. « Que je sois maudit, si je ne l'aimais pas déjà autant que moi-même avant qu'il m'eût adressé un mot, ou qu'il se fût aperçu de mon existence. Quand il vous regardait dans les yeux, il emprisonnait votre âme. Dominé par lui, on se sentait plus fier, plus orgueilleux. Avec un homme pareil, on devient meilleur. Il est bon que de tels hommes soient rares. Autrement, ce monde eût été trop beau. On n'en aurait plus estimé les mérites. Maintenant, écoute la suite. » Rada lui dit, « Tu joues bien, Loïko. Qui t'a fait un violon si sonore et si fin ?» L'autre se mit à rire. « Je l'ai fabriqué moi-même. Et ce n'est pas avec du bois que je l'ai fait, mais avec la poitrine d'une jeune fille que j'aimais. Les cordes, je les ai prises dans son cœur. Il est encore un peu faux, ce violon, mais je tiens l'archet bien ferme dans mes mains. Comprends-tu ? » Il va sans dire que nous autres, nous tâchons toujours d'ébaudir les filles et nous faisons notre possible pour qu'elles s'éprennent de nous. Loïko n'agissait pas autrement. Cette fois, il était mal tombé. Rada s'était retourné et répondit en bâillant. On m'avait dit que Sobar était adroit et intelligent. Les mensonges ne coûtent rien aux gens. Elle s'éloigna. Eh, ma belle, tu as les dents aiguës. Loïko lui lança un regard irrité et sauta à terre. Bonjour, mes frères. « Nous dit-il, me voici. Sois le bienvenu, mon aigle, » lui répond Danila. On s'embrasse, on cause, puis chacun se couche et s'endort profondément. Mais le matin, notre réveil, nous apercevons Sobar la tête tout enveloppée de chiffon. Que s'était-il passé ? « Le cheval, d'un coup de sabot, m'a blessé la tête, » nous expliqua-t-il. Nous avions bien compris ce que c'était que ce cheval. Nous sourions dans nos moustaches, et Danila aussi. Loïko ne valait-il pas, Rada ? Non. L'âme de la plus belle fille est toujours étroite et mesquine. Tu auras beau lui suspendre au cou un sac d'or, cela revient au même, elle n'en sera pas meilleure pour cela. Voilà. Nous vécûmes quelque temps dans cette contrée. Nos affaires allaient bien. Sobar était avec nous. Camarade hors ligne, sage comme un vieux, il savait tout, lisait et écrivait le russe et le hongrois. Quand il nous racontait quelque chose, Je te jure qu'on aurait pu rester debout un siècle à l'écouter. Quand il jouait, que le tonnerre m'écrase, si quelqu'un pouvait rivaliser avec Sobar. Quand il passait son archet sur les cordes, le cœur tressaillait aux premières notes, et à la fin, on aurait pu mourir de joie. On aurait voulu rire et pleurer tout à la fois en écoutant cette musique. On eût dit qu'une voix gémissait dans l'archet, et ses soupirs vous fendaient la poitrine comme un couteau. Ou bien, c'était la steppe, racontant au ciel des histoires, des contes doux et tristes. Ou bien encore, la jeune fille qui fait en pleurant ses adieux à son fiancé. Puis, le garçon, plein d'audace, appelant son ami à un rendez-vous dans la steppe. C'était aussi une chanson libre et gaie, jaillissant comme un éclair. Il te semblait que le soleil lui-même commençait à danser dans le ciel, au son de l'archet enchanteur. Et d'écouter cette mélodie, toutes les veines frémissaient et l'on se sentait devenir esclave du musicien. Si Loïko nous eût crié à ce moment « Tirez les couteaux, camarades !» Nous l'aurions suivi sans hésitation dans tous les combats imaginables. Il pouvait faire d'un homme ce qu'il voulait. Nous l'aimions tous follement. Seul Rada ne faisait pas attention au musicien. Elle allait plus loin, elle se moquait de lui. Loïko grinçait les dents, tirait ses longues moustaches. Ses yeux lançaient des regards plus profonds que l'abîme. Parfois, il prenait une telle expression que la peur nous étreignait. Souvent, dans la nuit, Loïko partait au loin dans la steppe et l'on entendait pleurer son violon jusqu'au matin. Il pleurait sa liberté morte, et tandis que nous étions encore couchés, nous l'écoutions, anxieux et pensions. Que faire ? Lorsque deux pierres roulent l'une sur l'autre, il ne faut pas se mettre entre deux. On serait estropié. Une fois, nous étions réunis et nous parlions de nos affaires. L'ennui nous envahissait. « Chante-nous quelque chose. Réjouis-nous l'âme. » demanda Danila à Loïko. L'autre jeta un regard vers Rada, étendu près de lui, les yeux levés vers le ciel, et le violon vibra comme le cœur d'une fille. Loïko chantait. « Et hop, galopons dans la plaine. Mon cheval, dompté par ma main de fer, m'emporte et court dans la steppe lointaine. Cours, mon cœur brûle, cours, alerte et fière. » Rada tourna la tête et, se soulevant, elle sourit au chanteur. Il s'enflamma comme l'aurore et continua. « Et hop, galopons dans la plaine, mon ami, galope en avant. Vaste est la steppe, noire est ton haleine, ô nuit, mais mon cheval, aussi prompt que le vent, court, s'envole, galope. Ils font la nuit altière, sans effleurer de sa crinière la lune d'or. » Je vous assure que c'était une chanson. Personne ne sait plus chanter ainsi maintenant, mais Rada lui dit, d'un ton sarcastique, « Ne t'envole pas si haut, Loïko. Tu pourrais retomber le nez dans la mare, et tu salirais bien tes moustaches. » Loïko lui jeta un regard farouche, mais ne répondit rien. Il chanta. « Et hop, subitement le jour arrive. Mais nous deux, hélas, nous serons couchés. Et hop, voici le jour. Et dans la flamme vive de la honte, nous serons consumés. » « Voilà une bonne chanson, » dit Danila. « Jamais je n'en ai entendu de pareil. Que le diable se fasse une pipe de ma peau si je mens. » Le vieux nous remuait ses moustaches et haussait les épaules de plaisir. Cette chanson audacieuse nous ravissait tous. À Rada seule, elle n'avait pas plu. C'est ainsi qu'un jour les moucherons fredonnaient en voulant imiter le cri de l'aigle, dit-elle. Il nous sembla, en entendant ces paroles, qu'on nous jetait de la neige dans la figure. « Veux-tu un coup de fouet, Rada ?» lui cria Danila. Mais Sobar jeta son bonnet à terre et dit tout pâle, « Halte, Danila. Il faut le mort d'acier à un cheval fougueux. Donne-moi ta fille en mariage. »« Voilà des paroles, » dit Danila, souriant. « Prends-la si tu veux, et si tu peux. »« C'est bien, » répondit Loïko, et se tournant vers Rada. « Eh bien, ma belle, écoute-moi un peu et ne fais pas la fière. J'ai vu beaucoup de filles dans le monde, mais aucune d'elles n'a touché mon cœur. Toi, Rada, tu as fait mon âme prisonnière. Que faire ? Ce qui est écrit arrive toujours, et il n'y a pas de cheval sur lequel on puisse s'enfuir de soi-même. Je te prends pour ma femme, devant Dieu, sur mon honneur, devant ton père et devant tous ces hommes. Mais ne contredis pas ma volonté. Je suis un homme libre, et je vivrai comme je l'entends. » Il s'approcha d'elle, les dents serrées et les yeux brûlants. Nous vîmes comment elle lui tendait les mains. Voilà, pensions-nous, Rada mit une bride au cou d'un coursier de la steppe. Subitement, nous vîmes qu'il levait les bras en l'air, puis il tomba en arrière. Ô miracle ! on eût dit qu'une balle avait atteint le jeune homme en pleine poitrine. C'était Rada qui lui lançait un fouet de cuir autour des pieds et l'attirait vers elle. C'était ce qui l'avait fait tomber. La fille resta couchée sans bouger et sourit silencieusement. Loïko, assis à terre, se prit la tête entre les mains et la serra comme s'il craignait qu'elle n'éclatât. Quelques instants après, il se leva et partit dans la steppe sans nous regarder. Nour me chuchota à l'oreille. « Va, surveille-le. » Je me glissai derrière Sobar dans les ténèbres de la steppe. Makar secoua sa pipe et laboura de nouveau. Je m'enveloppai dans mon manteau et me couchant sur le sol, je regardais son visage noirci par le hâle et le vent. Il hochait la tête d'un air sévère et sombre et marmottait des paroles. Ses épaisses moustaches blanches remuaient et le vent jouait avec ses cheveux. Il était pareil à un vieux chêne brûlé par l'éclair, mais toujours vigoureux, fort et fier de sa force. La mer continuait à chuchoter avec le rivage et le vent emportait toujours ses murmures dans la steppe. Nanka ne chantait plus, et les nuages, rassemblés dans le ciel, rendaient la nuit d'automne encore plus sombre et plus effrayante. Loïko marchait lentement, continua Makar, baissant la tête et les bras pendants. Arrivé près du fleuve, il s'assit sur une pierre et soupira. Mon cœur se serra de pitié en entendant ce soupir profond, mais je n'approchai pas de lui. On ne peut pas chasser un chagrin par une parole, n'est-ce pas? Il resta ainsi, une heure, deux heures, trois heures sans bouger. J'étais étendu non loin de lui. La nuit était claire, la lune répandait sa lumière argentée sur toute la steppe. On distinguait au loin le paysage. Soudain, je vis Rada sortir du tabord et s'approcher d'un pas rapide. La joie se répandit dans mon cœur. « C'est bien, » pensai-je. « Quelle fille hardie que cette Rada !» Maintenant, elle était auprès de lui, mais il ne la voyait pas. Elle lui toucha l'épaule, il tressaillit, écarta les mains de son visage et leva la tête. En la voyant, il se redressa et saisit son couteau. « Dieu, » pensai-je, « il la tuera. » Déjà, j'allais me jeter sur eux quand j'entendis la voix de Rada. « Laisse ça ou je te casse la tête. » Et je vis qu'elle avait dans la main un revolver avec lequel elle visa Sobar au front. « Quel démon que cette fille !» Eh bien, pensai-je maintenant, la partie est égale, que va-t-il arriver? Rada replaça le revolver à sa ceinture et dit à Sobar, « Je ne suis pas venu pour te tuer, mais pour nous réconcilier, jette ton couteau. » L'autre obéit et fronçant les sourcils, la regarda dans les yeux. C'était un spectacle extraordinaire. Ces deux êtres debout, qui se regardaient fixement comme des bêtes fauves et tous deux, si bons, si braves. La lune brillante les contemplait des hauteurs du ciel. Et les moi étions les seuls témoins de ce drame. Écoute-moi, Loïko. Je t'aime, lui dit Rada. L'autre fit un mouvement d'épaule comme s'il avait eu les mains et les pieds liés. J'en ai vu assez de braves gars, mais toi tu es plus beau et plus brave que tous les autres. Il n'y en a pas un qui ne se fût laissé raser les moustaches si j'avais seulement cligné de l'œil. Tous, ils seraient tombés à mes pieds. Je n'avais qu'à vouloir, mais ils me laissaient froide. Ils seraient devenus des poules mouillées après leur mariage. Il reste maintenant très peu de tziganes véritablement téméraires et audacieux. Toi, tu en es un, Loïko. Je n'ai jamais aimé personne, mais toi, je t'aime. Mais j'aime aussi ma liberté. Et cet amour pour la liberté est plus fort en moi que l'amour pour toi. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Comme toi, tu ne pourrais pas vivre sans moi. C'est pour cela que je veux que tu sois mien, de corps et d'âme. M'écoutes-tu, Loïko? Celui-ci sourit. « Je t'écoute bien. Mon cœur se réjouit d'entendre ces paroles. Parle encore. Voici ce que je veux te dire encore, Loïko. Tu auras beau t'y prendre de toutes les manières, tu seras vaincu. À la fin, tu seras mien. Ne perds pas ton temps inutilement. Mes baisers t'attendent et je t'embrasserai longuement, Loïko. Sous mon baiser, tu oublieras ta vie audacieuse. Tes chansons, qui réjouissent les braves tziganes, ne retentiront plus dans la steppe. Tu ne chanteras plus qu'à ta Rada, des chansons amoureuses et douces. Je le répète, ne perds pas ton temps inutilement. Demain, soumets-toi à moi comme à ton camarade aîné. Tu t'inclineras jusqu'à mes pieds devant tout le tabord et tu me baiseras la main droite. Alors, je serai ta femme. » Avait-on jamais vu ou entendu chose pareille? Les vieilles nous racontent bien que dans les anciens temps, c'était l'usage chez les Monténégrins, mais chez les Tziganes, jamais. Fraterniser avec une jeune fille, Te serait-il possible d'imaginer quelque chose de plus ridicule? Tu aurais beau te casser la tête à chercher pendant une année, tu n'inventerais rien de plus comique. Loïko bondit et poussa un cri sauvage, comme s'il avait été blessé en pleine poitrine. Rada tremblait, mais elle resta ferme. Au revoir donc. Tu feras demain ce que je t'ai dit. M'entends-tu, Loïko? Je t'entends. Je le ferai, gémit Sobar. Il lui tendit la main, mais elle ne se détourna pas. Il chancela comme un arbre cassé par le vent et se laissa tomber à terre, sanglotant et riant tout à la fois. À grand-peine, je le ramenai à lui. Pourquoi diable faut-il souffrir? Qui pourrait se complaire à écouter la plainte d'un cœur humain qui se déchire de douleur? Je retournai au Tabor et je racontai à nos anciens tout ce que j'avais vu. Après réflexion, on résolut d'attendre. Quand nous fûmes tous rassemblés, le soir, autour du feu, Loïko arriva. Il était troublé, il semblait avoir maigri. Il baissa ses yeux sombres et dit, sans relever les paupières, « J'ai à vous parler, camarade. Cette nuit, j'ai sondé mon cœur, et je n'y trouve plus de place pour mon ancienne vie de liberté. Seule Rada possède ce cœur. Elle est là, la belle Rada. Regardez, elle sourit comme une reine. Elle aime sa liberté plus que moi, mais moi, je l'aime plus que ma liberté. Et je me suis décidé à m'incliner jusqu'à ses pieds. C'est elle qui me l'a ordonné, afin que tout le monde sache à quel point sa beauté a subjugué le brave Loïko Sobar, qui jusqu'à présent s'était joué des filles comme un gerfaut des cannes. Cela fait, elle m'a promis d'être ma femme. Elle me couvrira de baisers et de caresses, si bien que je ne penserai plus à chanter et que je ne regretterai jamais ma liberté perdue. Est-ce ainsi, Rada ? Il leva les yeux et la regarda. Elle hocha la tête en silence d'un air sévère, et de la main lui montra ses pieds. Nous regardions sans comprendre. Nous aurions préféré ne pas voir Loïko Sobar tomber aux pieds d'une fille. Cette fille fut-elle Rada elle-même ? Une pitié nous venait. Tout le monde était triste. « Eh bien ? » cria Rada à Sobar. « Ne te presse pas. Tu as du temps devant toi. » Il riait d'un rire métallique. « L'affaire est conclue, camarade. Il ne me reste plus qu'à essayer de voir si Rada a véritablement le cœur aussi fort qu'elle le prétend. Vous tous, pardonnez-moi, mes petits frères. » Nous avions à peine eu le temps de deviner ce que Sobar voulait faire, que Rada était à terre. Dans sa poitrine était déjà enfoncé jusqu'au manche le couteau recourbé de Sobar. Nous restions stupéfaits. Rada arracha le couteau, le jeta de côté, et fermant la blessure avec les mèches de ses cheveux noirs, dit en souriant, d'une voix haute et distincte, « Adieu, Loïko. Je savais que tu agirais ainsi. » Et elle expira. « As-tu compris cette fille-là, mon faucon ? Que je sois maudit à jamais si je ne t'ai pas dit la vérité. » « Oui, je m'inclinerai jusqu'à tes pieds, mon orgueilleuse reine, » s'écria Loïko d'une voix forte. Alors, se jetant à terre, il colla ses lèvres aux pieds de la morte et resta comme changé en statue. Nous avions ôté nos bonnets. Nous restions là, debout et frémissants. « Qu'aurais-tu fait dans un cas pareil, mon faucon ?» Nour nous dit « Garantons-le. » Mais personne ne bougea. Et nous aurions été incapables de le faire, tant nous l'aimions. Le vieux Nour le savait bien. Il laissa retomber ses mains et s'éloigna. Mais Danila ramassa le couteau que Rada avait jeté de côté et le regarda longuement en remuant ses moustaches blanches. Le couteau, fossé et tranchant, portait encore les traces du sang non figé de Rada. Tout à coup, Danila se jeta sur Sobar et lui planta le couteau dans le dos du côté du cœur. « Comprends bien, mon faucon, qu'il était le père de Rada, ce vieux Danila. »« C'est bien, » dit Loïko, se retournant vers Danila. Et il alla rejoindre Rada. Elle était étendue et sa main retenait sur sa poitrine les mèches de ses cheveux. Ses yeux ouverts regardaient le ciel bleu. À ses pieds gisait l'audacieux Loïko Sobar. Les boucles de cheveux tombaient sur son visage qu'elle recouvrait complètement. Les moustaches du vieux Danila tremblaient et ses épais sourcils se fronçaient. Elle regardait le ciel d'un air taciturne, tandis que le vieux Nour, blanc comme un cygne, se couchait la figure contre terre et pleurait si fort que ses vieilles épaules en étaient secouées convulsivement. Il y avait de quoi pleurer, mon faucon. Si tu marches, continue toujours ton chemin, sans te détourner ni à droite ni à gauche, marche droit dans ta vie. Makar se tut et cachant sa pipe dans sa blague à tabac, il se couvrit la poitrine de son habit. La pluie tombait par petites gouttes, le vent devenait plus fort et la mer grondait sourdement. Un à un, les chevaux s'approchaient du feu qui s'éteignait lentement. Nous regardant de leurs grands yeux intelligents, ils s'arrêtaient et se tenaient immobiles, nous entourant comme d'un cercle. Hop, hop ! Leur cria amicalement Macquart. Et tapant de la main le cou de son cheval favori, il dit, se retournant vers moi, « Il est temps de se coucher. » Tirant son manteau sur sa tête, d'un geste vigoureux, il s'étendit à terre et se tut. Je ne pouvais dormir. Mes regards plongeaient dans les ténèbres de la steppe. Comme en un rêve haletant, planait devant mes yeux la fière et majestueuse figure de la belle Rada. De sa main, elle serrait les mèches de ses cheveux noirs sur la blessure de sa poitrine, et au travers de ses doigts bruns et fins, le sang coulait goutte à goutte, tombant sur la terre comme de rouges étoiles en feu. Derrière elle, apparaissait le courageux Loïcosobar. Son visage était voilé par ses boucles noires et de grosses larmes froides tombaient de ses yeux. Il pleuvait toujours plus fort. La mer chantait une litanie funèbre en l'honneur de Loïcosobar et de Rada, la fille du vieux soldat Danila. Dans les ténèbres et le silence de la nuit, les deux tziganes se poursuivaient gracieusement. Mais jamais, malgré tous ses efforts, Loïco, le beau chanteur, ne pouvait atteindre la fière Rada. Ainsi s'achève Rada par Maxime Gorki.